Voilà, c'est l'intempestive. C'est avec cette source dans le désert, suivie, sous ma voix, d'un désert vrombissant par Fernand de Roussen, que l'Intempestive introduit aujourd'hui une nouvelle série d'émissions qui s'appelle Phonographie. Des émissions autour du son, autour de ses enjeux politiques et sociaux, autour de son usage dans l'espace public, autour de l'environnement sonore de manière générale, autour de celles et ceux qui y prêtent attention. Des émissions pour écouter le quotidien et écouter ceux qui écoutent. Et on commence aujourd'hui la série avec Fernand de Roussen, donc... Audio naturaliste, hein, j'enregistre la nature. Dont les enregistrements sur les cinq continents parsèmeront cette émission. Et qu'on retrouve en attendant, en pleine discussion avec Guy-Noël Olivier, dit Marius, du Centre de découverte du son de Cavan. Attablé autour d'une carte de randonnée, il travaille sur un projet d'observatoire sonore des estuaires du Trégor. Là, la baie de l'enfer. Oui, ce qui est important, c'est de. Tu sais, le piège à son que j'ai mis sur les blaireaux ici. Là. Ah, c'était du côté-là? Oui, c'est de ce côté-là. C'est ici. Le terrier de blaireau, il est là. Ah, et c'est génial, hein, toute la nuit. Là. Oh là là, il y a des canards qui sont venus. Donc en fait, j'ai enregistré plus des souris que des blaireaux. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y a des souris là-dedans. Il y a des énormes terriers de blaireaux. Et il est sur le bord du chemin, hein, le terrier de blaireau. Ah oui, le et sentier, là, du coup, tu es à 10-15 mètres au-dessus de l'eau, et à marée montante, tout passe là, et ça a une résonance et tout, c'est génial, hein, c'est vraiment très très beau. Et à marée descendante, du coup, ça se dégage, mais la rivière continue à faire un bruit, à circuler, c'est très beau là. Là, c'est, bah, pour la bombarde, c'est d'ici qui jouait, moi j'étais là, ouais. Et donc ça remplissait le fond, ah oui, ça revenait par là. Je dirais que j'ai un petit faible aussi, moi, pour le cyprès qu'il y a là. Il y a un cyprès, là, qui est vachement bien aussi. Là. Ben, on a fait le tour, hein. Nous sommes, ça fait 8 points. Quoi. 8 points, ouais. 8 points, puis bien, l'espace est bien réparti, quoi. Non, ben, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir suivre ces points-là à travers les saisons, quoi, puis... Et voir l'évolution du paysage sonore à travers les saisons sur ces points test. Alors, il faudrait faire une fois par mois une prise de son d'un quart d'heure avec disons à une heure du lever du jour. Oui, mais le Givi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est la marée qui joue en fait. Oui. Ouais, donc c'est pas forcément. Ah, c'est pas évident, non, c'est pas. Non, c'est plutôt l'heure de la marée. Alors ça, pour une étude comme ça, tu peux te faire financer normalement. Tu peux suivi temporel des espaces naturels du Trégor. Temporel, ça peut être un projet temporel sonore. En étant soutenu par l'Observatoire photographique du paysage. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. toi, t'es OK? Je suis OK. Donc là, le principe, c'est de déterminer en un endroit précis un point où on va poser les microphones régulièrement tous les mois pour avoir un suivi temporel du site, enfin de l'espace paysager du site. Là, on est où, là, Marius? C'est Port-Béni. Et là, ce point-là, il est intéressant pour sa lande. Lande à bruyère, non, c'est pas bruyère, c'est des ajoncs, là, oui, c'est lande à ajoncs. Il y a des espèces particulières d'oiseaux, là, il faut être pitchou, il faut être grisette, les notes mélodieuses, le bruyant zizi, enfin, des choses comme ça. Donc ça, c'est surtout l'été, mais bon, c'est intéressant s'il va faire l'hiver, pour avoir aussi un élément de comparaison. L'hôte à terrestre, c'est la jonction entre la rivière et la mer, quoi. Et là, en dehors du travail spécifique sur le paysage sonore de la Presqu'île ou du Trégor, est-ce que tu pourrais parler de ce boulot de repérage que tu fais dans ton travail quotidien? Je suppose que tu arpentes beaucoup de territoire avant de fixer tes micros. Auparavant, enfin au début, quand j'ai commencé, c'est vrai que je collectais un peu ce qui venait, un peu comme un reporter, quoi. Enfin, j'arrivais, pouf, pouf. Sans vraiment de repérage, mais je me suis aperçu avec le temps que c'était une erreur assez fondamentale, qu'il était vraiment important de repérer les lieux, de comprendre un lieu, un espace, comment qu'il se développe, comment les animaux même interagissent dans le milieu pour pouvoir parfaitement l'enregistrer. Bon, quand tu arrives dans un point, tu poses tes micros, il y a toujours une part de hasard qui fait que parfois tu arrives à avoir des jolis trucs, mais c'est vrai que le repérage est très important. Et là, ça signifie que tu restes plusieurs jours d'affilée, y compris rester la nuit sur le même lieu. Comment ça se passe? Avec l'expérience, on repère quand même vite un espace, la potentialité d'un espace, en fait. C'est-à-dire qu'en voyant les essences d'arbres, en voyant le milieu naturel, s'il est dégradé ou pas dégradé, en voyant les routes qu'il y a autour en consultant une carte, on analyse quand même assez vite la qualité environnementale sonore d'un espace. Mais il faut quand même une bonne journée quand même sur un espace assez vaste pour pouvoir poser vraiment ces micros où ça semble être le meilleur. Et tes micros, ils tournent pas mal la nuit et au petit matin, ou l'activité humaine? Ça, c'est dû surtout à la technologie qui est moderne. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une capacité, quand on était sur bande, de 12 à 15 minutes d'enregistrement sur un magnéto. Donc ça, c'était dans les années 70-80, je dirais. Mais maintenant, on a des cartes mémoire où on peut enregistrer 16 heures, 20 heures, même 24 heures d'affilée. Donc on utilise ce qu'on appelle la technique du piège à son. On fait du repérage. On écoute bien, là, un peu comme on est en train de faire en ce moment, là. Et quand ça, c'est fait, quand j'ai parfaitement repéré le coin qui me semblait le plus adéquat, je pose tout le système, je le mets en route et je m'en vais. En ayant, d'ailleurs, auparavant, mis un peu de bombe anti-odeur. Parce que les animaux sont très, très sensibles, surtout les mammifères, à l'odorat que tu peux laisser sur un microphone, sur une bonnette ou sur un magnéto. Et donc je me retire, je m'en vais, et généralement tous les animaux reprennent un comportement naturel, sachant qu'ils t'ont vu partir, parce qu'ils ont mal quand même. Du coup, il se passe des choses extraordinaires sur les pièges à son. Mais tu les poses pas n'importe où, tes micros, quoi. Faut bien repérer avant. Ouais. Et là, tu vas les poser parfois à marée basse dans le coin. Oui, alors il y a des petits îlots là qui sont extraordinaires. Ce printemps, ça a été une expérience assez étonnante. Marée d'équinoxe, oui, c'était pas ce printemps, c'était au mois de septembre. Un petit îlot au large de l'île Koalen. À marée basse, j'ai été poser les micros. Et puis après, je suis revenu sur la plage. Et la marée montait, puis c'était une marée de 110, donc une très grande marée. Et j'angoissais en regardant avec les jumelles, vous voyez le niveau monter, tel point qu'après, on voyait plus qu'un petit sommet, un tout petit bout de caillou, et je savais que tout mon matériel était dessus, mais il y avait aussi plein d'oiseaux qui y avait dessus, Mais bon, j'ai pu faire ça parce que c'était marée, enfin c'était mer plane complètement, donc ça faisait 2 jours qu'il n'y avait pas de vagues et tout. Donc j'ai pu le faire ça. Il y aurait eu ne serait-ce qu'une force 2 ou force 3, c'était impossible à faire, quoi, parce que le caillou était recouvert et le matériel aurait été englouti. Oui. Mais bon, ça c'est une expérience sympathique, mais difficile à faire, hein. Très très difficile à faire en fait. Là, il faut vraiment beaucoup de circonstances. Hein. Circonstances de la marée d'équinoxe, circonstances qu'il n'y ait pas de vagues, circonstances que les oiseaux veuillent bien se poser là, enfin tout ça, ben, tout ça était lié à un repérage important avant, quoi. Oui, là il y a eu 2 jours de repérage, parce qu'il a fallu attendre 2 marées avant, de bien voir comment réagissait ce caillou et puis les oiseaux par rapport à ce caillou. Et ça a été bingo, c'était sympa là, c'était vraiment très joli. Et les sons, oui, que tu as récoltés. Oui, oui, oui, ça fera l'objet d'ailleurs d'un ouvrage qu'on va appeler Marée d'équinoxe. Parce que donc là on a tout, hein, la montée de la marée, donc on n'entend pas du tout de vagues, rien du tout. Il y a déjà quelques oiseaux autour, après la marée arrive, donc tu entends doucement les petits clapotis et tout ça, jusqu'à un moment où là tu la sens bien présente, mais tu sens aussi énormément d'oiseaux. Et puis à un moment, au bout des 2 tiers à peu près, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un courlis qui a fait un coup d'alarme et fou, tout le monde s'est envolé. Et là, ce n'est pas le silence qui est resté, enfin, c'est un silence d'oiseau, il n'y a plus un oiseau. Par contre, la mer était haute, enfin en partie descendante déjà, donc on entendait encore les clapotis. Et les oiseaux ne sont pas revenus, mais ça a continué à descendre. Et en fait, le clapotis s'est éloigné jusqu'à un moment où c'était un silence total, parce que là, pour le coup, il faisait nuit, c'était en pleine nuit. Et puis, pour conclure ça, il y a un gravelot qui est passé, qui a poussé un cri dans la nuit, tout seul, et c'était vraiment formidable. On aurait voulu monter ça, on n'y serait pas arrivé, en fait. toi, tu vois plutôt cet espace-là comme l'arrivée de la mer directement dans l'estuaire. C'est là, ouais. Là que tu as les vagues, ouais. Et puis là que tu as plus de vagues. Enfin, voilà, toi tu le représentes comme limite, ça. C'est la limite entre les deux. Donc je me le représenterais, moi, plus le point sur un... tu vois, un peu plus haut dans la lande, là. Ouais, ouais, ouais. Parce que la lande, regarde comme elle est belle, cette lande, elle est superbe. C'est un champ de fougères, voilà, t'as des sureaux, t'as... c'est quoi, des ronciers, là-bas, puis les ajoncs, les prunelliers, tout ça. Là, il y a la totale. Tu vois, il y a des petits passereaux, il y en a plein. Et là, au printemps, mais ça chante de partout. Ah ouais, alors, on va aller un peu plus loin, tu vois, il y a un sentier qui remonte, et je pense qu'en n'étant pas trop haut, tu peux avoir et le phénomène vague, marée montante, et encore présence de mer, mais aussi eh ben, la présence complète de la lande. Je suis ornithologue à la base, en fait, passionné. Ça fait 40 ans que je fais de l'ornithologie, hein, président de l'association parisienne ornithologique dans les années 80. Donc bon, j'ai un bagage de connaissances ornitho, et je suis venu au son par les oiseaux. C'est les oiseaux qui m'ont fait découvrir. Enfin, il y a un moment dans la connaissance des oiseaux, tu es obligé de passer par le stade chant d'oiseaux. Ça, tu peux pas faire autrement parce que c'est vraiment le critère d'identification dans beaucoup de milieux. Hein. On dit qu'en forêt, c'est 80% des espèces sont identifiées au son, enfin à la voix. Et puis. Et puis au début, bon, tu apprends à l'oreille, mais bien vite, bon, tu utilises un magnéto, puis alors quel plaisir quand tu réécoutes un chant enregistré et tout, c'est extraordinaire, quoi. Tu peux te le réécouter, réécouter, réécouter, en fait. Alors toi, c'est quoi, c'est un goéland marin, là, qui... Attends, c'est quoi ce truc? Pas un labe? Ah non, non, non, ça... Oh, il y a un goéland argenté qui a trouvé quelque chose à bouffer, puis un goéland marin qui le poursuit. Oui, donc, ben, je suis venu au son par les oiseaux. Bon, je dirais, quand tu commences à enregistrer des oiseaux, tu finis par entendre une grenouille, tu finis par entendre un renard, tout ça, puis le paysage, quoi. Enfin, le paysage en lui-même parle, et c'est extraordinaire. Alors, ben, de fil en aiguille, j'ai commencé à beaucoup enregistrer. Jusqu'au moment où j'en ai fait ma profession, quoi. Et puis maintenant, depuis 1997, hein, ça fait une quinzaine d'années, je suis indépendant, hein, dans le bio-naturaliste. Donc il a été créé Nage Vert Production en 97, qui est un studio d'enregistrement et qui gère aussi mes sons, enfin les sons que j'ai enregistrés, la Sonothèque. Et il y a 10 ans plus tard, donc en 2007, j'ai créé un site internet qui s'appelait Naturophonia, et qui lui n'a pas de statut. C'est une émanation de la société Nage Vert Production. C'est là que je présente mes sons au public en téléchargement payant. Donc voilà, donc Naturophonia est un label en fait, hein, on veut dire un label qui convient très très bien à la structure, puisque Naturophonia, nature et phonie, ça correspond bien quoi, c'est exactement. Et tu considères qu'à travers le blog, tu veux jouer un rôle justement d'ouverture de l'écoute des sons nature à un public plus large? Comment tu conçois ? Découverte, je dis toujours comme ça, les gens entendent mais n'écoutent pas. Et en fait, j'espère que par le biais de ce blog, ils écoutent un peu plus la nature. Et parce que la composante sonore de la nature, de la protection de la nature, et n'est pas du tout mise en valeur par aucune association. Mais un lever du jour, ça se fait pas sur un quart d'heure, ça. C'est 2 heures, un lever du jour. Dans ces 2 heures, il y a toujours le fouillis sonore, ce que j'appelle le petit quart d'heure de folie. Il y a un petit quart d'heure où tout le monde chante en même temps, c'est un bazar. Puis après, ça se régularise, quoi. Il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, et chacun prend un peu sa place, quoi. Ça, c'est marrant, ça. Ah, tu vois, on est à l'abri du vent, là. Hein. On a passé le... Ouais. Côté fermé. Ah, une fouette à tête noire, dis donc, tiens. Ah, une autre aussi. Ouais, j'ai trié puis, ouais, tu vois là le contrat. Ici c'est intéressant quoi, parce qu'il y a la forêt. Il y a la profondeur de. Il y a les vagues, la grève. Ouais. Attends, il faut être à tête noire hein, qui babille. Super. Alors, elles sont très, très discrètes l'hiver, on les voit presque pas. Elles mangent les boules de gui et de lierre. Et elles sont toujours enfouinées dans le lierre ou le gui, et donc on ne les voit pas. Par contre, au printemps, on les entend partout, elles sont abondantes. Mais il y a une petite population qui reste ici. Hein. Alors, est-ce qu'elles chantent pour le plaisir? Ça, c'est la question. Hein. Parce que qu'est-ce qui les incite à chanter? Bon, il y a une partie de biologique. Hein, parce que... Mais moi, c'est étrange. Je comprends jamais pourquoi ça me fait toujours autant de bien d'entendre les chants d'oiseaux. Ça fait 30 ans, 40 ans que j'écoute des chants d'oiseaux et c'est toujours un plaisir. Là, j'arrive de la Drôme. En Drôme, il n'y en a pas un qui chante parce que bon, il fait froid, c'est la montagne. Quand je suis arrivé hier soir chez Marius, là, pouf, des rouges-gorges partout, la grille musicienne. Oh, c'était concerto, là. C'était... Tu migres avec les oiseaux, quoi. Ah, je les suis, oui. En migré, je sais pas, mais... Je les suis, oui, beaucoup. Ouais. Je dirais, enregistrer un rouge-gorge, enregistrer une plage, c'est facile. Il n'y a pas de souci, hein. C'est donné à tout le monde. Maintenant, après, enregistrer une belle ambiance où les choses passent les unes derrière les autres, où tu comprends en fait le mouvement des animaux, où tu sais vers quelle heure le renard va sortir et tout ça, ça c'est autre chose. Hein. Tu milites aussi beaucoup pour cet aspect sonore, parce que tout à l'heure tu disais, tu regrettais que le son soit si peu pris en compte dans la connaissance et la protection de la nature. Oui, effectivement, parce que on voit des expositions photos partout. Ça, il y a énormément de photos d'expositions sur les photos de la nature, du paysage. Mais des expositions sur le son de la nature, non. Il faut les provoquer. Et, je dirais même quand je présente, quand j'arrive et que je dis, tiens, je vais vous faire une exposition en quadriphonie, en 360 degrés sur une rivière. Ah bon, ça existe, c'est possible. Les gens tombent des nues parce que bon, un truc étrange. Non, on a vraiment à ouvrir ce domaine-là. Hein. Ça, c'est sûr que la connaissance par le son n'est pas du tout rentrée dans les mœurs. Hein. Ça... Mais cela dit, ça se ressent aussi par rapport même au monde amateur des audio-naturalistes. C'est-à-dire qu'on est très très peu. Il y a très très peu d'amateurs qui font du son en France. Il y a beaucoup beaucoup de photographes animaliers. Alors ça, il y a des paquets. Hein. Il y a des salons, il y a des festivals, alors qu'on a du mal à organiser même un festival sur la nature une fois par an, on n'y arrive pas. Et pourtant, quand on voit l'impact que ça a, enfin, je dirais, le son, c'est des émotions, c'est des sensations, c'est de la présence, ça te ramène à des odeurs, ça te ramène à une vision, ça te ramène à un espace. Beaucoup plus que la photo, je trouve. D'autant qu'on est complètement gavé de photos. On a tellement de photos partout que on fait plus trop la part des choses. Alors qu'un bel enregistrement, tout de suite, vous évoque les souvenirs et tout. Enfin, par exemple, quand tu vas en forêt, tu as des espaces silence. Mais c'est des espaces silence pour les mobilettes ou pour pouvoir mettre la radio. Mais ce n'est pas des espaces silence pour les avions qui passent dans le ciel, ce n'est pas des espaces silence pour la nationale qui est à côté. Moi, je connais à Fontainebleau, tu as des endroits où tu ne peux pas enregistrer dans une réserve de silence, c'est impossible, il n'y a pas de silence. Et voilà, ça, c'est une dimension qu'on ne prend pas non plus en compte. Des réserves de nature silencieuse, ça n'existe pas, quoi. Toi, tu aimerais bien qu'il y ait plus. Tu prends le son lorsque, au maximum, tu enlèves toute activité humaine à l'intérieur du son. Voilà, c'est la problématique de l'audio naturaliste. Comme je dis toujours, moi, c'est presque du son. Attends, j'ai ouvert du portable, là. Ah. Ouais. Voilà. Oui, c'est le problème de l'audio naturaliste, c'est-à-dire que nous, on enregistre. Ah. Voilà, quand on parle de pollution sonore. Non, je peux pas venir. On a un peu tendance à retirer tout ce qui est activité humaine, tout ce qui est bruit non naturel, et donc on revient presque à un son, je dirais, préhistorique, parce que on fait abstraction complètement de... Alors qu'en fait, le paysage, c'est pas du tout ça, hein. Le paysage maintenant, paysage moderne, c'est aussi toute l'activité humaine, et la nature, et les composantes élémentaires que sont le vent, que sont l'eau, la pluie, et tout ça. Alors, il y a plusieurs utilisations, parce que tu as l'utilisation de l'enregistrement de l'oiseau pour déterminer, pour en faire un guide, pour le comparer à d'autres oiseaux. Donc, ça, c'est une recherche un peu bioacoustique. Hein. Donc, c'est du comportemental. Et puis, tu as l'enregistrement du paysage lui-même, soundscape, enfin, où là, tu cherches à reproduire ou à écouter plutôt. Une ambiance la plus pure possible, enfin la plus belle possible, la plus équilibrée, oui, on ne pourrait pas dire plus belle, la plus équilibrée, ça serait plutôt le terme, équilibrée dans la présence des animaux et de son environnement, oui. Je crois que c'est ça, c'est l'équilibre qui fait une belle ambiance. Et ça t'est pas arrivé d'être surpris à un moment de capter involontairement un son humain et que ça faisait partie d'une musique du paysage que tu enregistrais ? Ah oui, oui, tout à fait, les clochers, les fontaines, la corne de brume, un bateau qui passe, voilà. Parce que c'est pas des sons désagréables à l'écoute, en fait. Hein. Ça fait partie de l'harmonie. Par contre, une autoroute au loin, ou même un avion qui passe, un gros porteur, un truc comme ça, un gros avion à réaction, ça, c'est vraiment désagréable. Par contre, un avion à hélice, ou même un hélicoptère, ça peut être très joli dans le paysage. C'était bien quand le volcan islandais... a explosé là, qu'il n'y avait plus d'avions en Europe. Oui, c'était bien, sauf que j'étais pas loin de là d'ailleurs, j'étais au Cap Fréhel et alors pour l'anecdote, c'était terrible, il n'y avait plus un avion, ça c'était extraordinaire. Et en fait, je suis venu au Cafrel pour un tournage, là, pour une série. Et je me suis retrouvé dans des conditions terrifiantes parce qu'en fait, ils avaient accordé 2 jours de plus de pêche à la coquille Saint-Jacques. Et bilan, tous les chalutiers se pressaient d'aller collecter leur dernière coquille Saint-Jacques. Et il y avait 40 chalutiers qui tournaient aux faces du Cafrel. Donc, c'était râpé. Le travail que vous faites là d'observatoire sonore des estuaires, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps au niveau visuel, observation du paysage, quoi. Au niveau sonore, ça existait auparavant ou bien vous êtes en train de commencer quelque chose? Non, mais ça a déjà existé parce que Marius peut en parler, puisque vous avez édité un CD sur les clochers de la région, là. Ça fait partie un peu dans cette... C'est une continuité, en fait, de cette opération-là. Oui, un petit peu. Bon, on a travaillé sur le Trieux, sur certains endroits du Trieux, il y a une dizaine d'années. Mais c'est évident que c'est pas dans les préoccupations institutionnelles, puisque là, les estuaires viennent d'être classés. Et j'ai posé la question, qu'en est-il au niveau du sonore, quoi. On m'a répondu, c'est pas dans la loi, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai que d'un point de vue administratif, c'est nulle part. Il n'y a rien qui, donc, dans les lois de protection de la nature, dans les lois environnementales, il n'y a rien sur le sonore environnemental, en fait. Hein. Et puis la dame que j'ai vue au bout du fil, elle rigolait, elle disait, mais le sonore, mais c'est pas dans la loi. Et puis elle rigolait. Voilà, alors attends, moi je serai... Quand il n'y a qu'un seul psit, c'est pipite maritime. S'il faisait psit, psit, psit, psit, psit, psit, c'est pipite farlouze. Voilà, donc c'est des clés. Ça. Pour chaque chant d'oiseau, tu as une clé de détermination. Il n'y a que cette espèce-là qui émet. Ça peut être un rythme, ça peut être une note, ça peut être un phrasé même. Ça peut être un accent, ça peut être un... Des fois, c'est pas grand-chose, mais je ne connais pas d'espèce qui n'ait pas une clé de détermination. Alors, je m'étais mis pendant un moment à faire ces clés de détermination, mais oh, pff, le boulot... Ouais, ça mérite un bouquin complet, quoi. Toi. Sur une partition, tu faisais ? Non, j'écrivais en onomatopée. J'essayais, mais comme un Allemand, un Anglais, un Espagnol n'entend pas pareil que nous... Il ne discerne pas les choses pareilles. Donc, on court l'île. Et un Boeing 747. Alors, y en a qui identifient. Hein. Y a des gars qui ont l'oreille pour identifier les marques d'avion. C'est le tracteur. J'avais une animation avec. J'avais fait une animation avec des secondes. Du lycée agricole de Carnilien et on avait fait des écoutes du lointain quoi. Puis ça n'avait rien à foutre. complètement barjo ce mec-là. Puis à un moment donné, il y en a un qui repère un tracteur dans le lointain. Oh là là, ça a amassé ça. Non, je te dis, ça. Écoute donc, c'est pas amassé ça. Ça a excité toutes les marques. Et puis. Tais-toi, écoute. C'était super. À Marseille, dans certains quartiers, c'est les gamins qui savent dire quelle équipe de police est en train de rouler à proximité, rien qu'au son de la voiture qui approche. C'est vrai? Oui. Non, mais c'est comme quoi, une manière d'ornithologie comme une autre. Oui, mais c'est un apprentissage. Le son s'apprend. Bon, la marée monte là, hein, pour Pommelin, ça doit être pas mal d'ailleurs. En fait. Ouais. Bah, en fait, on n'a jamais osé venir jusque-là, parce qu'on pensait que c'était privé. Puis en fait, c'est le chemin. Ouais. C'est le sentier des douaniers qui continue. J'ai fait équiper une voiture. Il y a 3 ans de ça, là, une mini camping-car, enfin une petite voiture discrète. Et ce qui me permet d'être dans la voiture, de tirer des câbles. Souvent, j'ai deux câbles de 75 mètres dans la voiture, et je les tire, et je pose mes micros, et de la voiture, la nuit, j'écoute. Et s'il se passe quelque chose, ben, j'enregistre. Tu passes autant de temps dans ta voiture que dans ta maison, quoi. Oui, à l'été, oui. L'année dernière, là, j'ai travaillé pour une série documentaire sur les animaux qui s'appelle La France sauvage. J'ai passé 100 jours sur le terrain pour enregistrer, une centaine de jours. Une centaine de jours de studio pour traiter les sons, donc ça veut dire un jour sur deux, quoi. Là, je fais aussi des voyages à l'étranger. L'année dernière, je suis allé en Sibérie, puis en Australie. Toujours pour collecter des ambiances et puis des chants d'oiseaux, des sons de la nature. Il n'y a que là, je me suis lancé dans une version ambiance naturelle de la Terre, qui se divise en 6 parties. Il y a ambiance naturelle de France, d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, et puis de l'eau et de la mer. Et en fait, l'Australie, j'y étais encore jamais allé, donc il fallait quand même pour argumenter, en fait, avoir un peu d'éléments pour le site, hein, donc aller collecter là-bas. Donc je suis allé en Australie. Quant à la Sibérie, j'y étais allé il y a 10 ans, et puis là, c'était pour collecter pour un inventaire des oiseaux du paléarctique, enfin de tous les oiseaux, des petits passereaux. T'as eu une évolution depuis que t'as commencé à travailler, oui, les prises de son dans la facilité de trouver des endroits où t'as les conditions que tu souhaites, quoi, c'est-à-dire un éloignement des routes. C'est une détérioration, hein. Il y a une nette détérioration par rapport aux avions, principalement. Il y a beaucoup d'avions, là, vraiment. Et eux, ils n'ont pas de barrière, hein, le son nous arrive à de 10 000 mètres d'altitude, hein, et on l'entend vachement bien. Il n'y a pas le cas d'observatoire ou d'espace, en fait, privatisé, où on n'a pas le droit de faire les enregistrements de son nature, où ils sont propriétés du lieu. Je dirais que si dans les parcs de Paris, dans les parcs parisiens par exemple, le critère, c'est que tu peux enregistrer ou photographier du moment que ce n'est pas posé sur pied. Tu es considéré amateur si c'est pas posé sur pied. Si c'est posé sur pied, tu es considéré comme professionnel. Donc tu dois demander l'autorisation. Alors j'ai aussi eu des problèmes plusieurs fois dans des parcs nationaux. Bon, ça se comprend un peu, mais je vois pas le mal qu'on fait à enregistrer dans un parc national. Mais ils estiment qu'on utilise l'image du parc national. Alors que j'estime, moi, que c'est aussi faire la promotion du parc national que de faire passer des sons de ce parc national. Et puis c'est libre, hein, enfin, c'est ouvert, je vois pas en quoi on vous prélève quelque chose, on prélève rien. Le son, c'est un, c'est une information qui se perd. Enfin, c'est pas du vol, hein. On vole pas du son. Enfin, mais on prélève pas, c'est pas comme un animal qu'on retire, qu'on sort de son contexte. Non, le son il est émis, bon, enfin, donc on le capte et puis voilà quoi. De toute manière, il est condamné à mort le son, il est fini. Si on le capte pas, s'il n'y a pas un émetteur pour le réémettre sans arrêt, lui il n'a pas. Mais bon, de toute manière, j'ai trouvé l'argument. Maintenant, on me pose la question, je suis un touriste sonore. Ouais. Ça, et j'ai jamais eu de problème à Paris en disant non. Il y a des touristes qui se baladent avec un appareil photo, moi je suis avec mes micros, touriste sonore. Ah bon. La photo apporte quand même. Ouais, t'as vu le coin là, donc là il y a. Au bout là, il y a possibilité de se planquer. Il y a au moins une centaine de bernaches là qui remontent avec la marée. Et donc l'autre fois quand t'es venu, elles étaient sur la plage. Elles sont passées là-bas d'abord, par ouais. Le coin là. Ouais, elles y sont en toutes haut. Là, ouais. Puis après, elles sont remontées ici. Ah, elles sont rentrées dans l'anse, là. Ah oui, oui, elles sont arrivées jusqu'au l'eau douce. Ah. Il y en avait qui calaient sur, dans l'eau douce. Ah, dis donc, ah oui. Ouais, c'est impressionnant. J'utilise un système particulier. Voilà, on va poser ça. Et là, on parle beaucoup des oiseaux parce que tu es venu à cette période-ci en particulier, mais tu fais aussi beaucoup d'enregistrement d'insectes. Là, en fait, direct, dans la nature, une année nature, c'est bon, l'hiver, un peu hivernage et puis le calme. Donc là, moi, je travaille plutôt les éléments naturels, le vent, la pluie. Enfin, toutes des choses comme ça. À partir de mars, même un peu avant février-mars, c'est plutôt les batraciens qui commencent, avec les grenouilles rousses, les grenouilles agiles, les crapauds. Et puis, en même temps, commencent aussi les oiseaux. Et ça, on peut dire jusqu'au 15 juin, 15 juillet. Donc là, c'est les oiseaux, et puis encore quelques batraciens en fin de saison, les rainettes, par exemple, et les grenouilles vertes. Et puis, à partir du 15 juillet, c'est vraiment la saison des insectes. Là, ça démarre. Quand même, en France, on a plus de 200 espèces de criquets, sauterelles et grillets, et grillons, oui, 200 espèces. Et puis, on a une vingtaine d'espèces de cigales. Donc, tout ça, c'est des insectes qui émettent beaucoup de sons. Puis, on a aussi d'autres insectes qui émettent des sons, mais plus discrets. C'est des coléoptères ou des punaises aquatiques, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment... l'été, c'est la saison des insectes. Et après, il y a une reprise d'une nouvelle saison qui est septembre, octobre, novembre, qui sont les mammifères. Surtout les ruminants, les cerfs, les chamois, bouquetins, tout ça, ça parade, ça période de rut entre septembre et novembre. Donc en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans la nature. C'est un calendrier perpétuel. Et quand on connaît bien, en fait, on s'adapte. Une rotation des sonorités comme on fait une rotation des cultures. Ah oui, complètement, oui. Oui, oui, à chaque saison, ça... Et même dans les propres familles, par exemple les oiseaux, c'est vrai que de mars à avril, c'est surtout les sédentaires qui chantent. C'est-à-dire ceux qu'on voit à l'hiver, hein, en mangeoire, les mésanges, les rouges-gorges et tout ça. Mais à partir de fin mars, et surtout en avril, c'est tous les migrateurs qui arrivent, les fauvettes, les rossignols, les rouges-queues, enfin beaucoup de migrateurs, qui là s'en donne à cœur joie. Et donc dans une même famille, il y a aussi beaucoup beaucoup de différences. Donc là tu vois, ces arbres vous protègent du vent là. Dernièrement, là, sur un des grands parkings de centre commercial, j'ai entendu qu'ils avaient mis une bande sonore avec des oiseaux de Paris, en fait, des accenteurs, des rouges-gorges et des choses comme ça. Bah, le résultat, c'est qu'autour, il n'y a plus un piaf, parce que les oiseaux ont une concurrence sonore perpétuelle. Et quand il y a une concurrence. Enfin, le chant de l'oiseau est fait pour marquer un territoire. Et une fois que ce territoire est marqué, s'il y a un concurrent qui arrive, il entend, donc il sait qu'il y a un concurrent, donc il arrive devant l'autre, et là il s'explique par des parades, par un visuel, par étaler les ailes, gonfler la gorge, et puis enfin, voire même des poursuites, et puis un peu de bagarre. Mais là, le problème, c'est que l'oiseau, je me mets à la place du rouge-gorge qui est dans le parking, ben, il cherche partout, il entend en plus sur plusieurs haut-parleurs, donc il en entend tout un tas. Il entend l'oiseau, et puis en fait, ça finit par l'user, le déconcentrer, et il part parce qu'il n'a pas sa place là, il ne peut pas marquer un territoire. Donc, bilan des endroits comme ça qui parfois accueillent quand même des petites populations, parce qu'il y a toujours un petit bosquet, il y a toujours un petit buisson, il y a toujours un bac ou quelque chose comme ça qui pourrait accueillir un ou deux oiseaux, et bien se dégarnit complètement ces oiseaux. Et on arrive à un système aberrant de la nature synthétique, la nature complètement retransformée, mais plus réelle, quoi, en fait, c'est terrible. On veut recréer de la nature, mais on fait fuir celle qui reste. Voilà, exactement, ouais, c'est l'une des possibilités. Ouais. Bon, je vais installer le matériel, ça va peut-être monter, mais je ne crois pas que ça ira très vite. Alors voilà, là, un des trucs, c'est que tu regardes bien l'arbre, ou alors... dans un endroit où il y a des buissons, et il faut chercher les feuilles qui ne bougent pas. L'endroit qui ne bouge pas du tout, hein, c'est là. C'est là qu'il faut placer les micros. Là, il y a une grande mode actuellement qui consiste à effaroucher les étourneaux ou alors les pigeons ou des choses comme ça par des cris d'alarme de rapaces ou enfin par des cris de rapaces ou alors des cris d'alarme de l'espèce contre les rapaces. Et bilan, ça enquiquine tous les voisins qui sont là parce que envoyer ça régulièrement, c'est très strident, c'est très désagréable un cri d'alarme. Et un cri d'alarme est fait pour être poussé une ou deux fois par l'espèce. Pour alarmer les autres et partir, mais c'est pas fait pour être émis tous les 10 minutes sur le même lieu, c'est pas du tout ça l'objectif. Alors bilan, bah, effectivement les oiseaux partent, mais les voisins sont très gênés par ça, quoi. Enfin les gens qui habitent autour, et d'autant que c'est généralement très très mal projeté, enfin émis avec des haut-parleurs très mauvais, enfin tout ça, et puis surtout à des puissances bien supérieures à ce qu'émettent ce que peut émettre un oiseau. Donc, bon, ça a un effet réel, hein. Mais bon, faut se dire que les étourneaux, ils vont chez le voisin, ils vont dans la commune à côté. Et il y a même des endroits où ils s'habituent, et puis ils en font même plus cas, quoi. Enfin, mais bon, bref, c'est... Alors, c'est aussi dans le cinéma, oui. Alors, le cinéma, c'est assez terrifiant. On entend des trucs dans les feuilletons, dans les épisodes... américains souvent, et ils mettent des espèces européennes en doublage, et puis ils mettent n'importe quoi. Une fois il m'est arrivé, non ça c'était pas mal ça aussi, une production qui avait doublé le chant du loup par le plongeon à brin. Le plongeon à brin, on appelle ça le loup de mer, parce que son chant ressemble à un hurlement de loup. Mais ressemble, hein, c'est-à-dire que c'est quand même assez différent. Et alors on voyait un joli loup, enfin c'était la nuit, machin et tout. Hop, hurler, et puis ils avaient mis ce plongeon à brin qui est un oiseau, hein, c'est un oiseau, faut bien se dire, en doublage, c'est étonnant. Parce que le gars avait lu « loup de mer », donc il a pensé que c'était le chant d'un loup. Et, voilà. Alors ça aussi, c'est le métier de l'audionaturaliste, conseiller sur la vérité en fait d'un paysage sonore, en projection image. Le principe, c'est poser tout le matériel, de lancer l'enregistrement, puis de s'en aller, et de regarder de loin ce qui se passe, et de trier ensuite. Tu tries comment ? Ah ben après tu écoutes. Mais t'écoutes des heures et des heures. Non. Tu laisses la nuit. Il y a quand même là l'image nous aide. C'est-à-dire que sur les systèmes numériques de traitement du son, tu utilises la forme d'onde, ce qu'on appelle la forme d'onde, donc c'est le visuel du son. Et puis tu vois bien quand il y a des pics, quand il se passe des choses et tout ça. Mais les blancs sont importants aussi. Le fond blanc est très important. Ce que j'appelle fond blanc, c'est un fond, une petite rumeur quoi, qui est très très basse dans les fréquences, dans la puissance, mais qui apporte qui est une touche et qui est très jolie. Voilà, je lance. Donc je me donne un peu d'explication. Hein. Alors, 31 janvier 2012, il est 10h du matin, Chapelle Bonne Nouvelle, Trégor, Bretagne, enregistrement en quadriphonie, donc 4 micros cardio et 2 micros omni pour renforcement de basse. Donc piège à son sur marée montante, petite marée, près de la chapelle, au pied d'un lierre, à l'abri du vent. Température, il doit faire 5 degrés à peu près. Voilà, donc j'ai donné toutes les informations. Maintenant, on va s'éloigner. C'est pour marquer la bande. Voilà, c'est pour marquer la bande, le départ du son. Tu vois, il y a déjà un accenteur hop, qui est dans le lierre. Là, on va s'éloigner, donc les oiseaux vont revenir dans le lierre, et puis les autres vont arriver sur les vasières. Donc là, on a deux milieux différents, c'est très très intéressant ça. On va aller se balader par derrière là-bas, ça on n'entendra pas parce que de là, tu vois, le vent porte et là je pense qu'on entend les paroles. Et que les oiseaux nous entendent là ? Non, les micros. Les micros nous entendent. Oui. C'est des bébêtes sensibles les micros. Hein. Voilà. Pour tout le monde, un chant de rouge-gorge sur un CD, que ce soit un auteur ou un autre ou un autre. Enfin, plusieurs auteurs, c'est toujours le même quoi. S'il voit pas l'évolution ou même une ambiance, alors qu'en fait, comme les artistes, on a des sensibilités par rapport à ça, dans la création, dans la sélection, dans le montage, dans les lieux visités et tout. Donc c'est pas facile. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire reconnaître le son comme une identité environnementale, comme une entité environnementale. Donc là il y a un accenteur qui nous. On entend là ? Il y en a deux. Accenteur bouché, c'est l'oiseau souris, moi j'appelle ça l'oiseau souris. Parce qu'il est tout le temps en train de se faufiler entre les branches et puis il est tout gris. Et c'est l'un des oiseaux les plus communs des villes, un des plus abondants des villes, mais personne ne le connaît parce qu'il est de la même couleur qu'un moineau, à peu près, enfin il ressemble beaucoup à un moineau. La seule différence c'est qu'il a un bec tout fin d'insectivore, alors que le moineau a un gros bec de granivore. Mais bon, les gens font pas attention, pour tout le monde, ça reste un moineau. Une belle ambiance, hein, quand même. Un troglodyte, là. Et puis, on a eu des courlis qui sont passés. Voilà, tout ça, c'est du langage. Hein. Chaque espèce... Donc, le troglodyte a commencé à répondre, parce que là, ce qu'on entend, le... C'est aussi une alarme, parce que l'accenteur est en train d'alarmer, là. Il est en train de pousser des cris, parce qu'on est là, hein, c'est notre présence. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là ? Ils sont deux, oui, c'est un couple. Ah, puis il y a une grille musicienne qui débarque. Donc ça, c'est le deuxième système. Là, on pointe la source sonore qu'on veut enregistrer. Et tout se répercute sur le fond de la parabole et vient se concentrer sur un foyer central et donc sert d'amplificateur. Par contre, dans cette action-là, tu perds, ou alors il y a des fréquences sont changées, quoi. Les fréquences basses sont coupées, les aigus sont un peu distordus, donc ça rien ne vaut un bon micro près de l'oiseau. Hein. Mais bon, ça aide bien, hein. C'est vrai que ça, tu fais des jolies choses. Avec, Et puis il y a des choses qu'on n'entend jamais à l'oreille et qu'on arrive à percevoir avec l'enregistrement. Le bruit des griffes sur l'écorce, par exemple, des citelles ou les citelles qui tapotent. Voilà, des fois on va au-delà de la réalité, enfin, on retranscrit une réalité qui n'est pas audible à nos oreilles. Donc toujours pareil, 31 janvier 2012, chapelle Bonne Nouvelle, grille musicienne, parabole pour Procette sur Nagra LB. Je pense que tu peux mettre ton micro. Ah, attention, je vais vous prendre. Un apprentissage, hein, les années qui passent et tout, et tu apprends toutes les espèces. Moi, en Europe, je suis à peu près capable d'identifier tous les oiseaux d'Europe, les deux tiers des insectes à peu près. Ça m'est vraiment pas un problème. Pour moi, c'est un langage comme si je parlais anglais ou si je parlais espagnol ou quelque chose comme ça. Je parle nature, quelque chose. Enfin, j'écoute nature. Donc, en écoutant nature, je connais le langage de tous ces animaux. Après, par contre, quand j'arrive sur des autres continents, et d'ailleurs, c'est un plaisir de redécouvrir la nature et les sons sans avoir à mettre des noms, parce que moi, ma problématique maintenant, c'est quand je me promène n'importe où, pof, un bruit, je mets un nom dessus. Je mets des noms dessus. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que, pour moi, la nuit n'est pas un problème. Je peux me promener dans les forêts et tout ça, et vraiment pas un problème, parce que le langage de la nature m'indique tout ce qui se passe. Si j'ai le bruit d'une branche, ou d'un renard, ou d'un chevreuil, ou des choses comme ça, à l'oreille, je perçois tout ça, donc je circule sans aucune crainte. Alors que tu mets n'importe qui en pleine forêt de nuit, c'est la panique, parce que l'œil n'est plus là pour renforcer la sauvegarde, enfin la surveillance. C'est important, ça, c'est très important, c'est vrai que... ce langage, le langage nature... Auquel on n'est plus tellement attentif. Non, on s'en éloigne. Tout un chacun s'en éloigne complètement, parce qu'on est complètement envahi de messages subliminaux, publicitaires, commerciaux, journalistiques qui n'ont pas dans le bon sens non plus, parce que tout doit aller vite, tout doit aller très très vite. J'ai une anecdote, enfin je tairai le nom de journaliste, mais une fois j'avais été interviewé sur les sons de la nature. Il m'avait posé la question, quel est le son le plus dangereux de la planète? Bon, drôle de question, alors j'ai répondu, plus dangereux, c'est quand tu es au sommet d'un volcan, que ça explose, donc il faut faire attention, sur les niveaux et tout ça, mais il faut faire attention à toi. Et dans l'article, j'avais lu comme ça, le son le plus dangereux du monde, à tel point que vous pouvez y laisser votre vie, c'est le bruit d'un volcan. Pas du tout ça que j'avais dit, c'était pas du tout le bruit du volcan, c'était les circonstances autour qui faisaient que c'était dangereux. Tu pouvais te prendre une bombe volcanique ou un éboulement ou un truc comme ça, c'était pas du tout le son lui-même. Il n'y a pas de son qui tue, j'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, il y a tout un imaginaire autour de ça, quoi. Oui. Alors voilà, le gars a été un peu extrapolé, il n'avait pas fini son article. Mais de toute manière, moi, ma théorie, c'est qu'on est sur la planète et une. Et on vit dans des mondes parallèles. On est obligé de vivre sur cette planète tous ensemble. Donc, on est dans des... L'homme a sa propre strate dans le temps, dans la durée, le temps, dans ses besoins, que ce soit alimentaire, que ce soit de vie, se développe complètement par rapport à ses propres besoins. Et les animaux font pareil, hein, ils s'adaptent complètement... ils ne vivent souvent dans des milieux très stricts, très restreints, et sans un, ils n'ont pas besoin de l'homme ni des autres animaux. Bon, il y a des liens, il y a ce que j'appelle moi des portes en fait, qui fait que le prédateur a besoin du ruminant pour survivre, et puis le ruminant a besoin de l'herbe, et ainsi de suite. Mais ça c'était en harmonie totale jusqu'à avant l'industrialisation de l'humanité, tout était en lien. Maintenant, c'est complètement déréglé, quoi. On est complètement... c'est de la folie. Et dans le son, c'est pareil, quoi. On le sent bien. Mais là, paradoxalement, tout ce matériel-là qui nous permet d'enregistrer est issu aussi de toute cette industrialisation. Exactement, exactement. Et puis les avions dont je peste le bruit quand je suis sur le terrain, je les prends pour aller sur les autres continents. Effectivement, et voilà, on est dans tout ça, mais bon, après, si éthiquement on a un certain respect, et que, comme moi, on prend aussi la conscience et la mesure de ce que l'homme, de l'impact humain a sur la nature, et de ce qu'il faut aussi faire pour la préserver, enfin, pour maintenir dans son état, voire même l'améliorer, et arriver à ce monde symbiotique, en fait, entre l'homme et la nature, on voit trop de... où l'homme est avant tout, le reste, je crois que le vent est en train d'absorber définitivement ta voix. Oui, et j'ai un peu peur que même il va falloir que j'aille chercher le piège à son, parce que là, c'est changeant de vent, de marée. Ça. Et c'est donc dans le vent que se termine cette intempestive, pas du tout audio naturaliste, mais pleine de bruit de micro et enregistreur en bandoulière. On était avec Fernando Roussen, qui vous a donné à entendre au fil de l'émission un oiseau-cloche, une mare aux amphibiens en Pologne, une hyène et une rainette peinte, un engoulevent à collier roux d'Espagne, le lac sacré du Sikkim, l'emblème de la forêt guyanaise, un morse au Spitzberg, le cousin de Sibérie, des clochettes méridionales, un plongeon à brun, une explosion de l'Etna et actuellement des sifflets dans la taïga. Vous pouvez réentendre tous ces sons sur son site naturophonia.fr. Cette émission sera rediffusée samedi à 1h sur le 88.4 de Radio Galère et elle restera archivée avec une documentation complémentaire sur www.intempestive.net. Vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion à dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.